comme chaque soir. Les autres qui se parlent ne me regardent même pas. Ça pourrait aller mieux, ça m'ennuie un peu de vivre contre le vent. Mais je fais ce que je peux, passe, passe les gens. Et je tends la main, passe, passe le temps. C'est bientôt la fin. Y'a la télé allumée, qu'on ne regarde pas. Combien de temps passé sur ce canapé? Combien de temps perdu